Exercice 5, page 72. A. On n'a pas de feuilles. B. Il est quelle heure? C. Elle a l'air jeune. D. J'aime bien ta robe. E. Tu veux une pomme? F. Qu'est-ce qu'il est moche?